connu ça là. C'est le mec. Ça s'appelait MC Hammer, hein, tu te rappelles? Il a fait un tube. Et en fait, voilà, il avait repiqué le morceau qu'il avait repiqué, c'était. C'est difficile à prononcer. Yardbrook and People. En fait, il avait piqué l'original, c'était Yardbrook and People, un truc de funk. Un mec qui avait composé en vrai. En fait, il s'est pas fait chier, hein, le mec. Il a repiqué ça, donc je sais pas. Il a dû toucher de l'argent, mais il a fallu qu'il revende les droits à l'autre, là. Je sais pas. Ça s'appelle Yardbrook and People, tu regarderas. Et. Sale voleur. C'était un sale voleur. Bon, mais je te laisse hein, si tu vas cuisiner. Je suis arrivé trop tard. Hein. C'est. Oui, c'est de la daube musicalement. Enfin, parce que c'est facile à jouer, c'est ça. Mais bon. Après, va comprendre le public. C'est le public hein, qui achète. Après, le public, il n'est pas forcément. Il n'a pas forcément la même oreille musicale, quoi. Il y a des gens. Non. Moi, je vois autour de moi, il y a des gens. Ils vont aimer un truc simple. Si tu leur balances un truc hyper complexe et tout, ça va pas forcément leur plaire. Après, c'est pas forcément. On peut pas les traiter de cons, quoi. Après, les goûts sont dans la nature. En fait, c'est vrai, hein. Enfin, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. L'important, c'est que un morceau. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, l'important, c'est qu'un morceau de musique qui te procure du plaisir, même si c'est une daube. Moi, je vois ma gamine, elle danse sur des morceaux qui sont peut-être des daubes, mais elle est heureuse. Oui. Salut Doc. Là t'as un client là. T'as un bon client là qui arrive. Moi en ce moment je suis plutôt funky avec la basse, mais bon, voilà c'est. Hier je leur ai mis ZZ Top là. Ils étaient en train de jouer du ZZ Top. J'ai mis la batterie ZZ Top et puis personne a joué quoi. Pourtant c'était pas mal ça le morceau Lagrange. Et tout le monde s'est arrêté de jouer. Quoi. Ouais, bah putain, moi si j'avais écouté la musique de mes parents. bah j'écouterais Tino Rossi. J'écouterais que des vieux trucs, quoi. J'aime bien Tino Rossi, il a fait des jolis textes, hein, mais. Et ma mère, c'est. Qu'est-ce qu'elle écoutait ? Ma mère, elle écoutait l'autre, là, le communiste, là. Comment il s'appelait, l'autre, là ? Ouais. Moi, après, ce qui me gêne, c'est d'écouter la musique que tout le monde écoute, quoi. Au bout d'un moment, ça me fatigue. Là, sur Deep Purple, c'est bien, je vais pas critiquer, c'est des légendes. Mais au bout d'un moment, on l'a tellement entendu que. Led Zepp, Deep Purple, et putain, ok, il y avait eux. Je suis d'accord avec toi, c'est des légendes. Mais bon, il n'y a pas eu qu'eux, quoi, sur Terre. Enfin, il y en a beaucoup qui ont copié, certes. Je suis sûr qu'il y en a d'autres groupes qui sont pas connus. Mais non, bien sûr, c'est comme un rappeur, tu vas pas lui faire faire du hard rock. D'ailleurs, c'est débile. C'est idiot d'ailleurs. Parce que je trouve que d'être fermé, ça sert à rien quoi. Exemple de Michael Jackson qui avait fait venir, tu te rappelles, le guitariste là. Bah, le mec, bon, il a peut-être eu un beau chèque, mais est-ce qu'on va lui cracher dessus parce qu'il a été faire la guitare sur son morceau? La petite Diana, là, je sais pas qui c'est là. C'était pas mal ça. Bon, bah voilà, est-ce qu'il a fait pour l'argent? Est-ce qu'il a fait pour le plaisir? C'est rien. Eh, faudra qu'on ait une discussion tous les deux, hein, parce que j'ai pas la même culture musicale que toi. Hein. J'ai fait du café-concert, et je peux te dire, quand tu joues des morceaux que les gens ils connaissent, et puis que t'arrives à placer les solos, les parties classiques, etc., les mecs qui se mettent debout, ils en redemandent. Par contre, tu leur fais de la merde à trois accords, chansons, Kurt Cobain, ou des trucs comme ça, les gens se font chier. Tu leur fais des discos. Moi, quand je joue dans les cafés-concerts, c'est pour faire du disco, c'est pour danser. Les gens, ils viennent écouter de 20 ans à 60 ballets, je vois dans les salles, ils viennent écouter, et puis, je vais te dire, à la limite, ils te prennent à partie si t'as foiré le solo d'Agüestar ou si t'as foiré un solo de Santana, ils te prennent à partie en disant, ouais, t'as fait un pain là, tout, etc. Les mecs, ils viennent pour écouter et puis voir en live les morceaux qu'ils adorent, quoi. Donc si tu sais pas jouer, c'est pas la peine de faire du café-concert. Et moi, je faisais partie d'un groupe qui faisait du tribute à Deep Purple. On faisait tout le répertoire. Il n'y a pas que Smoke on the Water, hein, de Deep Purple. Il y en a plein de morceaux. Et je peux dire qu'il y en a qui sont top, qui sont velus. Hein. Et donc je fais du Miles Teem, je fais du Santana, je fais du Led Zeppelin. Et j'avais un groupe de copains, justement, en région parisienne. Ils faisaient que du tribute à Led Zeppelin. Et c'est pareil. Ils jouaient dans les cafés-concerts, dans des boîtes. Les gens, ils en redemandaient. C'était la soirée Led Zeppelin, c'était la soirée Led Zeppelin. Point barre. Ben oui, mais il y a des gens qui sont audiophiles. Ils aiment les trucs. Moi, j'irais pas aller voir Tonton David ou aller voir un chanteur à la con, là, qu'on te met au top 50, là, qu'il n'y a rien dedans, toi. T'as deux accords, une boîte à rythme pendant 4 minutes. Je veux dire, tu vas pas voir ça en concert. Tu vas voir en concert, tu vas voir des mecs qui savent jouer. Et Alors, moi, quand je fais des plans néoclassiques, je fais des big solos là-dessus. je suis Bah, les d'accord gens, ils avec toi. applaudissent, ils se lèvent et ils en redemandent. Après, je me sens à court. Hein. Des fois, je suis complètement vidé. Je suis d'accord avec toi, Vilos. Je suis d'accord avec toi, mais C'est là toute la il y a différence. des gens Je dis qui pas qu'il vont. faut avoir une certaine qualité, mais si tu fais. Si tu fais certains morceaux, et que comme les jeunes de maintenant, les groupes, ils savent plus faire des solos. Moi, j'ai joué dans des groupes dans ma région. Les mecs, ils me prenaient pour soliste parce que ça donnait du plus au groupe. Ils sont plus capables de faire des solos, les jeunes. Fait payer cher. Non, enfin bon. Il faut, ouais. Je sais pas Eh comment ouais, là-dessus, je te dis, t'expliquer. je pourrais avoir une grosse discussion avec toi. Parce que moi, j'ai bougé, donc je sais comment ça marche. Enfin bon, c'est compliqué à expliquer. Moi, je suis ouvert à toutes les musiques, voilà. Et je vais pas dire que, par exemple, on va pas dire le Écoute, si reggae, tu c'est fais de un la morceau connu de merde. Santana et que tu as un gratteux dans ton groupe qui est pas capable d'aligner le solo de Carlos Santana, moi je suis capable de faire. Oui, mais si t'es dans une salle. T'as entendu là ce que je voulais dire. Non, mais Si, si t'es dans si. une salle Oui. et puis que les gens te demandent de jouer un Santana, tu fais Sous le Sacrifice, c'est un monument. En plus, il y a un solo de batterie dedans. Si t'as pas un batteur qui est capable de faire le solo de batterie. Si t'as pas un soliste qui est capable de jouer comme Carlos, je veux dire, tu vas te rhabiller, tu vas te coucher, tu fais rien, quoi, les mecs ils te sifflent. Par contre, si ils voient que les mecs ils assurent et que ça envoie, ils en redemandent. Et c'est pareil, même le classique de Deep Purple, Smoke on the Water, si t'essayes de jouer ça et puis que le gratteux il est même pas capable de faire le solo, c'est même pas la peine. C'est pas parce que tu fais le son en distorsion, le riff ne suffit pas, quoi. Ils veulent de la défonce et moi je fais la défonce et en plus comme Manny Japan j'improvise sur la défonce, je leur mets ce qu'ils veulent entendre et puis on fait comme Deep Purple faisait au Japon, t'as des gros breaks, on part en classique, on part sur des fugues, des sonates, des machins et puis hop, on vient en morceaux tout. Et les gens ils demandent ça, ils veulent du cirque. Mais pour faire le cirque, faut être capable de jouer. Tu Parce que touches du là, je te dis, poivron dans les moi j'ai joué dans des concerts petits et ils groupes connaissent dans ma rien. région, en Provence ils sont gentils. Hein. Ouais, c'est chansons, couplets, refrains, trois accords de guitare, il n'y a pas de solo, ils sont contre les solos, mais bon, quand tu viens dedans et puis tu viens les aider un peu et tu joues, ça les valorise. Ouais. Là, je sais plus comment ils s'appellent, les jeunes, ils faisaient jouer des morceaux, là. Il n'y avait même pas besoin de qu'ils me sortent les partitions. Il y a eu deux accords des fois. Je sais plus comment ils s'appellent là, les mecs à la mode là, qu'ils aiment les jeunes là. Et franchement, c'est pour ça qu'il faut monter le niveau. Faut monter le niveau. Moi, mes filles, elles aiment Guns N' Roses. Et puis elles sont capables d'aimer du Malsim. Parce qu'elles se rendent Elles compte ont que pas le si choix, elles je n'avaient pas crois. écouté ça, sur l'époque, il y a des gens, il y a des mecs qui sont capables Et de jouer ça. Mais si tu j'imagine fais les jamais filles qui écouter, disent, les gens, ils papa, s'il savent te pas. plaît, tu Les peux gens, ils arrêter le connaissent morceau de pas. Et Malmsteen? par contre, Je tu leur pense fais écouter et tu joues. Et mais merde, on est capable de jouer comme ça, c'est que. pas possible. Écoute. Non, mais même, pour des Tu gens qui l'écouteras connaissaient jusqu'à la pas, fin! qui découvrent. Non, mais ce que tu peux pas comprendre, c'est que si tu fais pas découvrir les choses, les gens ne savent pas que ça existe. Mozart, les gens ne connaissent pas. Mais non. Et c'est pareil, moi j'adore le classique. Moi j'adore jouer du Mozart, du Paganini, du machin. Si tu connais pas ça, tu connais pas la musique. Voilà, sinon, c'est prétentieux de dire, ouais, c'est nul. Putain, moi, mes plus grands solos que je fais là, maintenant dans mon improvisation, je travaille avec Paganini. Je m'inspire de sa façon de jouer du violon pour faire mes solos. Quoi. Donc, sinon, ça sonne pas. Donc, il faut utiliser les grands compositeurs. Moi, je suis pas un compositeur, je suis juste un interprète. Il faut utiliser les grands compositeurs et ils ont mis du matériel. Et c'est pas de la merde. Moi, tous les rappeurs, tous les mecs qui font du disco, pour moi, c'est de la daube. Disco, c'était bien, moi j'ai aimé le disco. Putain, moi j'ai. Je crois Mais qu'en ça, c'est pas écoutant. simplement une histoire d'en mettre plein la vue. Non, mais écoute. Les gens, ils boivent une bière, ils Moi. voient ça. Tu leur fais une fugue, tu leur fais Caprice 24 de Paganini à la guitare. Et ils adorent, sinon ils se font chier. Ils discutent entre eux et puis ils écoutent pas le groupe. Des. ISCO. Non mais pour conclure, j'aime le disco et j'assume. Voilà, j'assume. Voilà le terme. Quoi tu me fais penser? J'assume. Imagine, tu as deux yeux, tu vois en couleur, tu vois les choses avec tes yeux, et tu arrives sur une île, il y a que des gens qui sont aveugles, qui n'ont jamais rien vu. Tu leur dis, mais moi je vois les choses et je vois les couleurs. Ils vont te prendre pour un fou. Ben moi je suis un fou. Je suis un fou, je suis en train de te dire. Arrive sur une île déserte où il n'y a que des aveugles, des mecs qui n'ont pas d'yeux, et tu leur dis que tu vois des couleurs et que tu vois des choses. Ils vont pas te croire, ils vont te brûler sur un bûcher, ils vont dire que tu es un fou. Ben moi je suis un fou. Je suis en train de vous dire, il y a autre chose que tonton David et les connards qu'on nous montre à la télévision, quoi. Tonton David, Ouais. Moi, je suis dans un milieu, t'as là. pris un Je verrai bon Steve Mac, exemple, là. Je tonton vais mettre une David. vidéo bientôt. C'est un de mes copains, là, qui joue du Malsim comme moi, là. Moi, j'aime pas me montrer sur YouTube, mais j'en fais pas de vidéo. Mais je vais mettre une vidéo. Il fait l'homme orchestre à lui tout seul. Il joue la batterie, la basse, il chante et il fait la guitare, il fait les solos. Et les solos. Alors ce mec-là, c'est un homme orchestre, mais pas Zimbombang le cirque. Il joue du Led Zeppelin, de la CDC, etc. tout seul. Je peux te dire qu'il a un sacré niveau de gratte. Même moi, des fois, quand on joue du Malsim, il m'étonne. Parce qu'il fait des plans que, putain, c'est hallucinant. Et donc ça, bah, les gens, bah, moi je vois quand il fait ses petits concerts, quand je vais lui filer la main, etc. Bah, les gens, putain, ils en demandent, ils sont heureux avec ça. Sinon, c'est juste... Il y a de la musique, tu mettras un disque jockey, c'est pareil, hein, ça. Mais t'as le droit de préférer Satriani. Avec Mais 32 moi, mesures, c'est. Satriani, il n'est pas aussi, comment dire, puissant qu'un Vais, ou il n'est pas aussi puissant qu'un Malsim, ou que Lee John Roth. Là, ça va aller mieux pour Et parler, pourquoi non? je mets Tu vois? Massim en avant? Attends. Parce que c'est un très Oui. grand compositeur. Je sais pas. Bah, de toute Non, façon, je vais ça suffit décrocher là. pas. Faut que Si. j'aille T'arrives à m'occuper parler de en mes 4? truffes là. J'ai Non, en récupéré 4, des on arrive truffes pas. là. J'ai dépanné un copain, il m'a payé en truffes. Si ça marche. J'en ai jamais mangé, je crois. Je crois que j'en ai jamais Mais mangé. moi, j'en avais Quelques jamais fois. mangé. J'avais acheté des miettes il y a 2 ans à ma femme et on a été déçus, ça sentait le pourri, on s'est fait baiser quoi. Et puis là, bon, j'en ai un qui va aux truffes, c'est la truffe sauvage. Oh putain, ça sent la noisette, c'est une odeur, je t'explique pas, donc on va se régaler ce soir. Moi, c'est pour la première fois que je vais découvrir, elle m'a dit, tu vas voir, c'est top. Ce qu'ils vendent dans le commerce, c'est des miettes, c'est de la merde, c'est du moisi, ça sent le moisi. Et quand il m'a ouvert sa boîte, parce que lui, il fait avec ses chiens, putain, ça sent la noisette, ça sent bon ce truc. Ça te donne envie. Bon, bah sur ce, Excusez-moi. Ben, on reprendra la discussion plus tard, Ouais, bah, je un vais aller grand coup de voir. claque dans la Ouais. gueule, mais on la reprendra plus tard. Et, T'inquiète, un moi, je jour on reviens sera plus en arrière, indiscutables. j'ai plus de temps à perdre. Et, moi, je Non! reviens pas en arrière. Pourquoi tu veux que je baisse mon niveau pour m'adapter à des crétins qui jouent en pentatonique sur 2 accords moi, je me prends le choix avec tout le monde là, et je m'en fous qu'ils viennent pas jouer avec moi. Moi, il y en a qui arrivent à me suivre, il y en a qui savent et puis qui ont envie d'aller de l'avant. Mais les autres qui restent avec leur expérimental, leur connerie, là, faire du bruit, voilà ce qu'ils savent faire. C'est l'art d'aujourd'hui. On met en avant tous les crétins qui font du bruit, qui font des sculptures à la con, qui font de la peinture de merde. Ça ressemble plus à rien. Quand tu regardes la peinture, Léonard de Vinci, il a fait des beaux tableaux. Van Gogh, il a fait des beaux tableaux. Aujourd'hui, les mecs, ils peignent avec leur quéquette, avec leurs excréments, etc. Et puis on dit que c'est de l'art. Mais alors Aujourd'hui, il n'y a l'art, plus oui. que des crétins. C'est vrai que l'art, c'est un peu complexe. Des fois, j'ai du mal à comprendre, oui, c'est vrai. Ben, c'est ce qu'ils appellent Bon. l'expérimental, le contemporain. C'est que de la merde. Quand tu réfléchis, c'est que de la merde. Et moi, je me bats, tous les directeurs artistiques de galeries de peinture, de sculpture ici, moi, je leur dis, mais c'est de la merde, ça ressemble à rien, ton truc là. Parce que moi, j'ai un copain qui fait de la sculpture, qui fait des choses qui ressemblent. Et puis, quand je vois des mecs qui font des bouts de ferraille soudés entre eux, tout, etc., qui se croient géniaux, parce qu'ils ont passé 6 mois à faire ça, je me dis, mais c'est de la merde, Et ton truc. là, le gars, il te dit. Et là, le gars, il te dit, monsieur, vous sortez, s'il vous plaît. Vous sortez. Vous n'avez rien compris à l'art. J'ai dessiné, j'ai peint ça avec mes doigts de pied. Moi, quand il me dit ça, je lui dis, oui, j'ai très bien Ça compris que tu étais représente un rien à crétin, l'art. c'est C'est de tout. l'abstrait. Mais l'abstrait, ça sert à Sortez, monsieur! rien. La planète, ça fait 4 milliards d'années pour qu'on ait la vie. Quand tu regardes l'existence de l'être humain par rapport à ces 4 milliards, on est 2 secondes sur la vie de l'univers. Si tu as du temps à perdre, si tu as une vie de 4 milliards, tu peux jouer aléatoire, faire du random, comme font certains, en espérant qu'un jour tu auras les capacités de jouer une sonate de Bach. Le plus simple, c'est d'apprendre la théorie, puisque des gens l'ont mise par écrit. Et le plus simple, c'est d'apprendre Bach, d'apprendre Paganini, parce qu'ils ont eu les traits de génie, ils ont écrit ce qui était bien. Et là, tu perds moins de temps. Tu perds moins de temps dans ton apprentissage de la musique. Après, tu peux jouer n'importe quoi. Moi, je peux jouer n'importe quoi. Aujourd'hui, t'as vu, t'as tout à l'heure joué du manouche, rien que pour faire chier tout le monde, parce que là, c'est pareil, quand je fais du manouche, il n'y a personne qui vient, parce que personne ne sait jouer. Hein, c'est pas avec une pentatonique que tu vas jouer les yeux noirs, quoi. C'est ça le truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas le temps de faire de l'aléatoire. Il faut apprendre. Et plus tu montes le niveau, plus il faut en savoir. Et c'est pas en ne sachant pas jouer, en connaissant pas ses gammes, que tu peux jouer Vivaldi. Moi, je suis atterré de voir le niveau et puis les gens qui font rien pour évoluer. Alors ils vont acheter du matériel, des pédales, ils vont avoir des effets, du son, des PC, des VST, des machins, mais ça fait pas de la musique, ça fait que du son, du bruit. Et que sans rien du tout, moi tu sais, moi je suis très minimaliste, une guitare, moi je sors quelque chose sur une guitare, j'ai pas besoin de 50 000 effets. Hein. J'avais vu une vidéo sur Bon, je t'ai pas YouTube, trop un mec qui énervé. jouait avec une guitare, il y avait deux cordes. Un black. Il y avait un black qui jouait avec deux cordes, je sais pas si t'as vu sur YouTube. Et puis le mec, Ouais, il je l'ai jouait tout vu, le ouais, loop, mais bon, il avait deux cordes sur la c'était guitare. gentil. Ouais, mais c'était gentil ce qu'il faisait. Moi, je te parle vraiment, C'était pas mal avec deux sans cordes. travailler la Deux guitare, sans cordes. travailler l'harmonie, espérer jouer une symphonie d'une façon aléatoire, moi, j'y crois pas, quoi. Déjà, quand je vois comment j'en chie, moi, pour faire mes plans d'arpégio, je veux dire, si tu travailles pas, t'as rien qui sort. Toi, t'entends que le résultat du travail, mais pour faire les arpèges que je fais, ben, c'est des années que je fais ça, moi. Et j'ai jamais lâché en cours de route. Bon, ce coup-ci, je te laisse, Ben. On prendra ça plus tard. Mais t'inquiète, je t'aime bien, Auvergnat. À bientôt T'as progressé. et bon Je appétit. sens que tu, je sens que tu Ouais, moi aussi. progresses. J'écoute et après je. Enfin ouais, j'écoute et je fais des bilans. Bon bah à plus tard. Salut. Je vais voir les autres serveurs. À plus.